بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد on continue inshallah et on finit le deuxième événement de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. Là où veut en venir le shaykh rahimahullah est que la foi de la personne ne sera pas véritable et cela même s'il adore Allah seul et qu'il ne lui donne aucun associé, elle sera véritable que si il déteste les injustes et l'injustice. Et le sens voulu ici par les injustes ou l'injustice, c'est bien les polythéistes ou le polythéisme et tout ce qui est équivalent à ceci, tel les athées, etc., etc. Et le fait de ne pas aimer ces gens-là ainsi que leurs œuvres de son cœur fait partie du minimum pour que la foi soit valide et acceptée. Quant au rejet par la langue ou par les actes, c'est ce qu'on va essayer de voir, inshallah. Le cheikh dit, rahimahullah, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا. Là, le cheikh, il parle de gens qui se prétendent suivre l'islam, la voie des salafs, etc. Maintenant, comparons-les à ces événements de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Le cheikh dit, si tu as compris cet événement d'une bonne compréhension, tu sauras alors que beaucoup de gens qui prétendent suivre la religion ou la voie des salafs, etc., ils ne la connaissent pas en réalité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons ont détesté le polythéisme et les polythéistes. Plus que ça encore, ils ont dénoncé cet acte infâme par leur langue en montrant que ces agissements sont totalement en contraire de la fitra salima, de la nature saine, de la raison et bien sûr, et en particulier, des textes qui sont venus dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc condamné ces choses malgré le fait qu'il n'ait aucune solution pour s'échapper de leur torture. Car comme on l'a vu, à partir du moment où la personne va mettre en garde contre l'association et les critiquer, forcément cela va mener à des attaques de la part de ces polythéistes. Cela a-t-il empêcher les musulmans pour autant de continuer à dénoncer la pire des injustices? Non. Voilà pourquoi le cheikh dit après cela: wa illa famal ladhi hamala al-muslimin 'ala as-sabr 'ala dhalika al-'adhab wal-asr wad-darb wal-hijra ila al-habasha. Si le fait de condamner le shirk par la langue n'était pas important ou primordial, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était connu pour sa miséricorde envers les compagnons, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur aurait trouvé une solution face à cela. Comme par exemple de leur dire, arrêtons de critiquer le polythéisme. C'est pour ça le shir dit tout de suite après, ma'a annahu sallallahu alayhi wassalam arhamun nas law. Le prophète alayhi salatu wassalam voyait que les compagnons se faisaient torturer, boycotter et même à plusieurs reprises ils ont failli tuer certains compagnons radiyallahu anhum. La torture était si forte que certains n'avaient pas d'autre choix que de renier la foi de par leur langue, tandis que leur cœur était mutma'in non bil iman, que leur cœur était empli de foi et qu'ils étaient apaisés par ce message. Si ce n'était pas une chose aussi importante, le prophète alayhi salatu wassalam leur aurait donné l'autorisation d'arrêter de critiquer les polythéistes et le polythéisme. Malgré ça, il n'a trouvé de solution à ce moment-là que de faire partir certains compagnons, ceux qui souffraient le plus, les faire émigrer de la première émigration en Abyssinie, une terre chrétienne, où au moins ils seraient épargnés de l'injustice physique, tout en continuant l'appel à l'islam authentique chez ces mêmes chrétiens, en leur montrant que Jésus, fils de Marie, n'est pas le Dieu, ni le Fils de Dieu, ni le troisième de Troie. Voilà donc quel doit être le travail du musulman quand il cohabite avec les polythéistes. Appeler les gens à l'islam, mettre en garde contre le polythéisme et les polythéistes, dénoncer leurs agissements, etc., etc. Si la personne n'est pas capable de faire cela, elle ne sera pas en droit de rester parmi eux. Pourquoi cela? Parce que leur foi est en danger. Et qui dit la foi est en danger implique que le paradis aussi de la personne est compromis. On a vu un verset qui montre la gravité d'aimer ces gens-là. Et que même si la personne les déteste par son cœur, au fur et à mesure du temps, cela va s'amoindrir. Forcément, il est possible qu'il passe devant un endroit où le polythéisme y est appliqué, où y est mis en application, sans que cela ne lui fasse rien dans son cœur. Et ça, c'est une chose palpable chez nous tous. Les rites sataniques maintenant sont dévoilés au grand jour, et pourtant, et malgré cela, aucune réaction de la part des musulmans, qu'Allah nous en préserve. Le Suirch conclut ensuite et va encore plus loin dans son argumentation. Il ramène un verset où il dit « Kayfa wa qad anzal Allah » ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Parmi les gens, et les gens qui sont voulus ici, Allah Musta'an, c'est les hypocrites, il en est qui disent nous croyons en Allah. Donc ça, avec la bouche, c'est facile. Puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, c'est-à-dire qu'ils subissent des méfaits du fait qu'ils ont appelés à l'islam par exemple, ou qu'ils ont dénoncé l'association et les associateurs. Comment ils considèrent cela, les hypocrites? Ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Regardez le manque de compréhension. C'est-à-dire le fait qu'ils soient éprouvés, ils comprennent cela comme si Allah les avait punis du fait qu'ils aient obéit à lui, subhanahu wa ta'ala. Ou pour être plus clair, le fait qu'ils aient dit nous croyons, cela a été la cause, selon les hypocrites, du châtiment d'Allah. Eh oui, les hypocrites ne comprennent décidément absolument rien. Quant aux croyants, il sait au contraire qu'à partir du moment où il va extérioriser sa religion et va dire clairement et simplement, je crois en Allah, qu'il va être forcément éprouvé, comme Allah lui-même nous en informe dans cette même sourate, An-Kabut, sourate 29, son début, où Allah il nous dit « أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît bien ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et les exemples dans le Coran sont nombreux, où des gens, pour le simple fait qu'ils aient dit notre Seigneur et Allah, ont été éprouvés, comme histoire des gens de la caverne, surat al-Kahf, que beaucoup connaissent, inshallah. Et ensuite, le shir de conclure sur ce verset de dire فَإِذَا كَانَتْ هَذِي الْآيَا فِي مَنْ وَافَقَهُمْ بِلِسَانِهِ فَكَيْفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. Le verset concerne ceux qui ont été d'accord avec les polythéistes seulement avec leur bouche. Qu'en est-il de ceux qui sont d'accord avec eux-mêmes dans leurs actes et en plus de ça les aiment? Qu'Allah nous en préserve. Passons maintenant à l'événement numéro 3. موضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته إلى آخر القصة. Le Cheikh a évoqué une histoire connue dans Kutub al-Sira, dans les livres de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. La base de cette histoire est sahiha, elle est authentique. Et c'est le fait que le prophète alayhi salat wa salam a récité surat Najm, la surat 53. Et à la fin de cette surat se trouve le verset Afa min hadha al-hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, c'est-à-dire le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point? Absorbé que vous êtes par vos distractions, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Après ce verset, les musulmans se sont prosternés, mais bizarrement, les polythéistes aussi l'ont fait. Pourquoi les polythéistes aussi se sont-ils prosternés? C'est ce qui est évoqué dans l'histoire que le Cheikh a rapportée. Et on va essayer de la résumer ici. Tout d'abord, résumons la situation. On a vu que le prophète alayhi salat wa salam ainsi que ses compagnons ont commencé leur appel à l'islam par la mise en garde contre l'association et l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Plus que ça encore, ils ont dénoncé les méfaits de cette grande, de la plus grande injustice. Qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a provoqué le déchaînement des polythéistes qui ont fait subir au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons toutes sortes de méfaits tels les tortures, les menaces de mort ou d'emprisonnement, etc., etc. Malgré ce déferlement de haine, les compagnons, malgré tout, ont continué à dénoncer ce grave péché et cela au péril de leur vie. Quel est le rapport maintenant avec ce qu'a ramené le Shir? L'histoire qu'il a évoquée, qui est rapportée dans les livres de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, nous prouve que les polythéistes n'arrêteront point de faire du mal aux musulmans, si ce n'est qu'ils fassent des concessions dans la base de la religion. Il a été évoqué dans cette histoire que le prophète a récité sur la Tennejm et est arrivé à un fameux verset où Allah dit « Afara'aytumul lat wal 'uzza », c'est-à-dire que vous en semble des divinités Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre, Afara Eitum. Et le but de ce verset, comme on va le voir à travers le siyaq, le contexte, est pour rabaisser ces divinités. Exactement de la même manière qu'a parlé Ibrahim à son peuple quand il a dit Afara Eitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ. Surat les poètes 26, verset 77, où Ibrahim leur dit أَفَرَأَيْتُمْ, exactement comme Allah a dit dans Surat Najm, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ. Ici, il dit: que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. On voit bien que أَفَرَأَيْتُمْ, ici, dans les deux versets, il est voulu le dénigrement de ces fausses divinités. Malheureusement, dans cette histoire, il est évoqué que Shaitan a rajouté dans la récitation du prophète alayhi salatu wassalam tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahun la turtaja, ce qui est une sorte d'éloge vis-à-vis de ces fausses divinités et que leur intercession est espérée. Comprenant que ces paroles venaient du prophète alayhi salatu wassalam, les polythéistes en étaient très contents, à un point justement où ils se sont prosternés à la fin de cette sourate. Cette histoire, qu'elle soit authentique ou non, le sens est correct. Les polythéistes ainsi que tous les mécréants n'arrêteront leur mal que si on fait des concessions dans notre religion. Quand ils ont cru comprendre que le prophète alayhi salatu wassalam avait récité ces paroles et que leur intercession est espérée, alors que le message de l'islam est clair, qu'aucune intercession de ces divinités fausses n'est acceptée, ils ont lâché du mou jusqu'à aller se prosterner à la fin de la récitation de cette sourate. Wallahu al-musta'an. Mais malheureusement pour les polythéistes, le prophète alayhi salatu wassalam, bi tawfiq min Allah, n'a fait aucune concession dans la religion, et les versets prouvant cela sont nombreux malgré la pression énorme. Allah il nous dit, sourate al-Isra 17 verset 73, wa in kadu layaftinunaka 'an alladhi awhayna ilayka litaftari 'alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Verset terrible qui nous évoque la pression qu'a dû subir le prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit donc, et ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors il t'aurait pris pour ami intime. Regardez, au moment des concessions, c'est à partir de ça qu'ils vous prennent pour ami intime. Et Allah de dire et de complimenter son prophète alayhi salam. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Mais alhamdoulilah, le prophète alayhi salam ne l'a pas fait. Et dans un autre verset, sourate Yunus 10, verset 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. Dit, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. On voit bien à travers ces versets que malgré tout ce qu'a pu faire les polythéistes, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons sont restés fermes dans leur religion sans faire aucune concession. Sans faire aucune concession d'une part, alors qu'ils n'avaient pas le champ libre à cette époque. Aucune terre d'islam n'existait en ce moment précis. Wallahu al-musta'an. Comparons maintenant à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Les concessions sont plus que présentes. On nous force à accepter l'injustice. Que ce soit le pire des péchés qu'est l'association, mais aussi le fait d'accepter que l'on insulte notre prophète alayhi salatu wassalam, on nous enseigne l'athéisme, toutes ces choses qui contredisent la base de notre religion sans que pour autant ne réagissent les musulmans, ce qui prouve que le cœur est dans un état catastrophique. Se sont-ils arrêtés là? Non. Voyant que le cœur des musulmans était vide et sans réaction, ils continuent jusqu'à présent d'imposer leurs idées et d'enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge toutes sortes de débauches, comme vous le savez. Et là, bizarrement, certains ont commencé à réagir et à penser à plier bagages. On tire de cela une triste conclusion, c'est que les musulmans d'aujourd'hui réagissent plus face à des péchés qui, on est d'accord, sont extrêmement graves, mais malheureusement, ils réagissent plus vis-à-vis de ces péchés que le pire des péchés qu'est l'association. L'association ou bien l'athéisme qui sont répandus depuis très très longtemps et que malgré tout, aucun acte de résistance n'a été recensé, wallahu al-musta'an. Alors que la vie du prophète alayhi salat wa salam et de ceux qui l'ont réellement suivi n'a été que de mettre en garde justement contre ce grave fléau et de ne pas se taire face à cette pire injustice. Tout le reste, bien sûr, étant important, mais secondaire vis-à-vis de cette priorité. On voit bien donc l'énorme fossé qu'il y a entre les musulmans actuels et les musulmans à l'époque du prophète alayhi salat wa salam. On se doit de réapprendre sincèrement cette religion, non pas les termes comme beaucoup le font, mais de la réapprendre et de rentrer l'amour de la religion dans nos cœurs jusqu'à que cela implique une mise en application de celle-ci. Sans la mise en pratique, nous ne serons que comme a été une des communautés qui nous a précédé, qui avait la science mais qui ne mettait pas en pratique et qui ont donc encouru la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Nous prétendons détester ce peuple alors qu'en réalité, nous avons énormément de caractéristiques en commun et parmi les plus graves, le fait de ne pas mettre en pratique cette noble religion. Ce qui retient malheureusement les musulmans à notre époque, c'est l'attachement à la vie d'ici-bas. L'attachement aux différentes aides accordées. Le RSA, le chômage, les allocations qui sont en réalité des pièges afin de nous rendre comme des bébés dépendants du lait maternel. Alors que les causes de la subsistance sont extrêmement nombreuses et parmi celles-ci, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah le dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ, qui est dans Surat Talaq 65, fin du verset 2, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Voilà devant nous la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui la contredit sera la promesse de notre ennemi juré qu'est le diable sur lequel Allah nous informe. Surat Fatir 35 verset 5, Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, yani Shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi, il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Des versets terribles nous rappelant le fait que l'on doit viser l'agrément d'Allah ici-bas afin de pouvoir espérer au paradis dans l'au-delà et ne pas se faire tromper par cet ennemi déclaré qui veut nous faire préférer l'ici-bas à l'au-delà. Donc attention à toutes ces attaches que l'on a à la vie d'ici-bas et à ces cadeaux empoisonnés que peut nous offrir ceux qui nous aiment pas. Toutes ces aides sont faites pour que l'on ferme les yeux sur ce qu'il y a comme méfait. Jusqu'à quand allons-nous, entre parenthèses, patienter? Patienter d'une mauvaise patience, d'une patience qui n'est pas louable, d'une patience dont ont été caractérisés les polythéistes dans leur dire quand Allah il nous dit Surat Sad 38 verset 6 وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Et leurs notables, et les gens haut placés qui avaient l'argent, partirent en disant allez-vous-en et restez constants, et patientez à vos dieux, et dans l'adoration de ces fausses divinités, c'est là vraiment une chose souhaitable. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et n'attendons pas qu'il nous coupe ces cadeaux empoisonnés pour que certains envisagent enfin de partir et prétendre en plus de cela d'émigrer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'en réalité il ne l'a fait que parce que il n'a plus d'intérêt dans ce pays, à l'instar des hypocrites, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. Voilà en ce qui concerne ce troisième événement qui nous met en garde contre toutes sortes de concessions dans notre religion et en particulier dans sa base qui est l'appel à l'adoration d'Allah seul et la mise en garde du polythéisme et sa critique ouvertement. Qu'Allah nous facilite de parvenir à cela. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.